Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbo Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. L'élite du hockey scolaire s'en vient à Alma au cours du week-end et on va en parler avec un gars qui est un des responsables, Jean-Normand Tremblay. On y avait parlé l'année passée parce qu'il y avait toute qu'une équipe. Cette année, on va savoir un peu comment ça s'est passé. Salut Jean-Normand. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Généralement, avant de commencer, parler du tournoi en fin de semaine, l'année passée, j'avais fait une couple d'entrevues parce que vous aviez toute qu'une équipe. Cette année, j'ai pas eu de demande d'entrevue. C'est-tu parce que ça a été moins bien et que vous vouliez vous cacher? Ben... non. C'est pas ça qui s'est passé du tout. Là. Cette année, ben moi, je suis demeuré au niveau cadet. OK. On a eu relativement une bonne saison. On a réussi à remporter un tournoi, mais malheureusement, on n'a pas réussi à se classer pour le championnat provincial qui se déroule en fin de semaine. Par contre, là, la gang que j'avais majoritairement au cours des deux dernières saisons s'est retrouvée dans le calibre juvénile cette année. Puis là, c'est au tour de notre équipe juvénile là, d'être assez explosif. Là. Ils ont terminé premier de leur section. Ils ont une place ici au championnat provincial. Puis je pense qu'on a... ils ont des bonnes chances là, d'aspirer à jouer dimanche au moins. Là. Donc, on a une très, très bonne équipe juvénile cette année. OK. Si on y allait maintenant avec le tournoi en fin de semaine, c'est l'élite qui s'en vient encore une fois à Alma. Oui, exactement. Donc, on reçoit 24 meilleures équipes là, des trois catégories, Benjamin, Cadet et Juvénile. Donc, 8 équipes par catégorie de division 1. Des équipes d'un peu partout au Québec, là, de Gatineau au Lac-Saint-Jean. Donc, C'est vraiment la crème, c'est les meilleures équipes là, de chaque catégorie. OK. On voit une évolution beaucoup, hein. Le calibre, est-ce que ça fait d'année en année, est-ce que tu as vu le calibre s'améliorer, encore une fois? Parce que là, le hockey scolaire, c'est... Écoute, y a les Aigles sont arrivés à Robertval, t'as Alma aussi. Donc, j'imagine que le hockey scolaire est encore meilleur, là. Ben, c'est clair que le calibre se développe, donc le calibre augmente en qualité, ça c'est certain. Tu sais, puis c'est ça que je parlais justement avec Simon Gaudreau de Robertval, ouais. Qui est un très bon ami là. Tu sais, et on recule d'une dizaine d'années, des équipes d'élite là, dans la région, il y en avait très très peu. Maintenant, il y en a plus, donc ça permet de développer plus de joueurs, donc il y a plus de joueurs d'hockey qui ont la chance justement de vivre plusieurs entraînements par semaine, les entraînements en glace, ces choses-là. Donc, c'est clair qu'au niveau du calibre de jeu, donc il y a plus de jeunes joueurs d'hockey au Québec qui ont un développement optimal, si on veut, puis c'est clair que ça peut juste être bon pour le sport. OK. L'année passée, vous aviez Samuel Girard, vous aviez Samuel Harvey. Cette année, les deux sont en action, fait que malheureusement, vous les aurez pas. Est-ce que vous avez quand même une petite contribution de leur part, une vidéo, quelque chose, un mot d'encouragement? Non, ben l'an dernier, dans le fond, là, nous, on avait ciblé Antoine Girard, Samuel Girard, ouais. Un peu pour leur rendre hommage. C'était comme nos invités d'honneur un petit peu pour leur rendre hommage là, de leur parcours qu'ils avaient fait dans les murs de notre école, puis aussi par la suite, là, donc au niveau junior et même au niveau de la Ligue nationale pour Samuel Girard. Cette année, on n'a pas nécessairement d'invités d'honneur. Là. On a décidé d'y aller vraiment là. Sans cibler là, personne si on veut. Donc, c'est vraiment un tournoi là, qui s'adresse à toute la population. Puis on invite d'ailleurs les gens à venir là, parce que ça sera tout un événement en fin de semaine. OK. Si on parlait maintenant du côté de... Est-ce que c'est année après année, c'est Alma qui... c'est Alma... Est-ce que vous êtes sûr d'avoir Alma le tournoi de hockey scolaire? Est-ce que ça donne comme ça? Ça fait 2 ans de fil, là. Ouais, c'est notre troisième édition. En fait, c'est la troisième année consécutive qu'on reçoit le tournoi. Puis normalement, là, la première année, qu'est-ce que la RSEQ a voulu faire, c'est un peu créer son propre championnat provincial. Parce ouais. Qu'avant, là, on faisait partie de la Coupe Dodge. La première année, quand ils ont voulu créer leur propre championnat provincial, nous, on s'est porté volontaire. On a été donc ils nous ont attribué le championnat. Puis sauf que à la base, c'était supposé être un changement d'endroit donc à chaque année. Sauf que quand on est arrivé à la table, là, à la table de réunion donc provinciale au mois de mai, donc qui était comme un mois après la première édition du championnat, c'était vraiment unanime. Là, les gens avaient adoré leur expérience allemand. Ils avaient vraiment trippé sur le comité, sur l'aspect des bénévoles, donc comment qu'on s'occupait bien des équipes. Donc, c'était unanime. Tout le monde, quand ils ont posé la question « Qui veut le championnat provincial? » Tout le monde s'est tourné vers nous. « Alma, est-ce que vous le voulez encore? » Ben, OK, on va le prendre. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour le coin. Écoute, moi, j'ai un ami qui a un restaurant à Alma, puis il y a eu du monde. Il y a beaucoup de monde. Oui, c'est clair. Ben là, regarde, en fin de semaine, là, c'est 450 jeunes de partout au Québec, donc avec leurs parents, peut-être même des fois les grands-parents. On a tout près de 400 chambres d'hôtel un peu partout, un peu partout en région de Bouquet, les restaurants, ces choses-là. Donc c'est clair, tu sais, il y a quand même 21 équipes de l'extérieur sur une possibilité de 24. Donc c'est clair que ça c'est excellent pour l'économie de la région. D'ailleurs, là, il y a un cours là du Cégep d'Allemont en méthode quantitative. Ils vont faire une petite recherche là sur les retombées économiques justement au cours de la fin de semaine. Ben c'est bon quand on va chercher des gens, quand on va chercher des pour des commandites et ainsi de suite, là. C'est bon de savoir ça, là. Exact. Ouais. Ça c'est certain, oui. Donc, les gens qui veulent se procurer des biens, est-ce qu'on appelle qui? Comment que ça se rend? Est-ce que c'est gratuit? Comment ça fonctionne, là? Dans le fond, là, nous, c'est à l'entrée ici. Donc, il y a des passeports qui sont en vente au coût de 15 $ pour la fin de semaine. Sinon, l'entrée journalière est à 5 $. C'est gratuit pour les enfants si ils ne sont pas de 12 ans et moins, là, peut-être. Là, je sais pas par cœur. Puis ça commence demain à midi, donc jusqu'à la dernière match, c'est cédulé pour 20h15. Vendredi matin, ça débute à 8h30 jusqu'à 20h15 aussi, la dernière match qui est prévue. Samedi, toute la journée, et dimanche, toute la journée avec les demi-finales et les finales. Ça nous fait tout près de 50 matchs de hockey. D'aller sur les deux. Ouais, sur les deux glaces, dans le fond, la petite et la grande glace au centre Mario-Tremblay. Okay. Ben, merci beaucoup. On va se reparler un autre tantôt, puis bonne chance encore une fois pour les Lynx en fin de semaine. Parfait, merci beaucoup. Là. Voilà, Jean-Normand Tremblay, un des responsables du tournoi de hockey scolaire qui a lieu en fin de semaine à Alma.